Thank you. suis pas prêt. Je suis pas prêt. Je suis presque prêt, mais je suis pas prêt. Ah, on ferait pas un truc plus court? Je te dis pas un truc plus court, un BPI plus court. Genre 16, mais comme on est qu'à deux, on fait comment? C'est comme tu veux, de toute façon. Alright. Bon les copains, j'ai un peu d'avance même. Mm-hmm.